Alors nous nous retrouvons alors que nous venons avec Francis Lafond de résoudre ce problème de carte mère hein, chez le petit robot. Ouais, ça a merdier ces robots, go. Oui, surtout que bon, c'est un petit peu un ordinateur d'un autre âge. Hein, c'est... Oh, puis il bec de n'importe quoi et les bouts de nourriture coincés. Là. Exactement. Alors, est-ce que nous en avons fini, monsieur Michel, là, de tous ces travaux? Non, hein, n'est-ce pas? Bah déjà, j'aurais vérifié pour Nono le petit robot s'il marche. Est-ce qu'on peut le mettre en marche? Bon, c'est impeccable. On va passer aux travaux suivants. Le travaux suivant, bon c'est pas compliqué, faut envoyer des publics postages à tous les préfets de Grèce. C'est pas compliqué. Il y a beaucoup de préfectures en Grèce. Il y en a beaucoup. Mais bon, je voulais juste dire un truc, c'est vraiment c'est un travaux pour le plaisir. Hein. Celui-là c'est vraiment pour le plaisir. À la rigueur, Lionel achète des timbres. On les poste. Nous allons mettre à votre disposition, cher Jean-Pierre, notre engin. Non, je voulais dire, il y a une épidémie de criquet qui passe là. Alors donc, Jean-Pierre Cul, nous allons mettre à votre disposition notre engin, comme ça il vous sera beaucoup plus simple d'envoyer ces publipostages un petit peu partout. Francis, vous voulez bien faire le conducteur? Oh, il va falloir que je souffle dans le ballon d'abord. Hein, vous avez déjà vu Marie Poppins à la télé? Ah, tu tiens bien nous au bon salon, hein? Ah, oui, on va y aller. Attention Francis, hein, tout de même. Oui, bah, on va lever le pied. Me touche pas, Tantoule. Michel, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors si mes comptes sont bons, il reste deux travaux. Donc le 11e travaux, ce sera un travaux très simple, mais malgré tout assez compliqué. Ce sera passer une heure avec Bernard Ménez dans un sauna. Ah non, ça je peux pas. Vous pouvez le remplacer? Ah ben oui, écoutez, tout à fait, oui. C'est vraiment gentil, parce que là, on est un peu à la bourre. Donc il s'agit de passer une heure dans un sauna avec Bernard Ménez, en fait. Écoutez, parfait. Jean-Pierre Cul, nous nous retrouvons dans une heure, ok, hein, pour... Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que j'ai choisi ces travaux parce qu'ils étaient très intéressants. Oui, effectivement. Oui, hein. On n'est pas déçu. Le dernier et le 12e travaux sera de réduire la cramouille dans une proportion de 12%. Mais ça, nous le verrons tout à l'heure.